الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. On continue بإذن الله تبارك وتعالى ce que nous avions commencé avant le mois de Ramadan pour parler des règles concernant le jeûne. Il y a certains jeûnes où les jours de jeûne doivent être obligatoirement suivis, comme le mois de Ramadan. Ce qui est clair, le mois de Ramadan c'est plusieurs jours dans un même mois. Comme par exemple quelqu'un qui a commis un meurtre inattentionnellement, par erreur. Celui qui a tué un croyant par erreur, par exemple dans un accident de voiture. Alors, il devra jeûner deux mois mutatabi'in. Si c'est lui, s'il est fautif. S'il est fautif. S'il a une part de responsabilité dans sa mort, donc il devra jeûner deux mois d'affilée. Non. كذلك الظهار كما الله تعالى dit dans le Coran al-Karim, celui qui dit à sa femme haram pour moi comme le dos de ma mère. Et l'islam a interdit d'utiliser cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux plus la toucher normalement. Walakin Allah Ta'ala il a interdit de faire ça, et pour te faire pardonner, celui qui a dit cette parole-là, il devra jeûner deux mois d'affilée avant de pouvoir retoucher sa femme. كذلك celui qui fait un acte avec sa femme pendant Nahari Ramadan, fi Nahari Ramadan. De même, il devra jeûner deux mois d'affilée comme expiation. Celui qui a fait le vœu de faire un jeûne, par exemple, de six jours suivis, il dit, « Ya Allah, par exemple, si tu me donnes telle chose, ou si j'arrive à avoir telle chose, je vais jeûner pour toi une semaine d'affilée. Si tu as dit d'affilée, tu seras obligé de le faire d'affilée. » Et il y a d'autres jeûnes où le fait que les jours soient suivis ne soit pas obligatoire. Comme par exemple, les jours où l'on rattrape les jours de Ramadan, Qada au Ramadan, pour la femme, ou bien pour la femme qui a eu ses menstrues pendant le mois de Ramadan, ou bien si on était malade ou en voyage et on a rompu le jeûne, et on veut rattraper, là, yalzimuna, on n'est pas obligé de faire suivre les jours de jeûne. Mais on peut les jeûner dispersés. Celui qui, par exemple, ne trouve pas dans le Hajj une bête à égorger s'il fait le tamattu. Par exemple, il va faire un Umrah et un Hajj en même temps. Le tamattu, c'est ce que la plupart des gens maintenant ils font ce nusuk. Le tamattu. Il vient avec une Umrah, après il tahallal, après il enlève son ihram, et après ça, il va faire le Hajj le jour de Yom Tarwiyah, il va remettre son ihram. Le huitième jour de Dhul Hijjah. Donc, celui-là, il est obligé de quoi? D'égorger une bête. Ou bien de payer quelqu'un pour qu'il égorge pour lui. Qu'il sacrifie pour lui une bête. Celui qui n'a pas, il devra jeûner trois jours pendant le Hajj et sept jours quand il retourne. Les sept jours quand il retourne, il n'est pas obligé de les suivre. Les trois jours pendant le Hajj, il devra les faire pendant les périodes du Hajj. Donc, il devra les faire pendant les trois jours de Tashriq. Les trois jours de Tashriq, c'est-à-dire le lendemain de l'Aïd, trois jours après l'Aïd, au pèlerinage, puis après quand il rentre, il fera les sept jours. Naam. Kadhalika, le jeûne de Shawwal, les six jours de Shawwal, pareil, ce n'est pas obligatoire de suivre les jours, bien que ce soit recommandé. De même que si on jeûne dans Sha'ban, ou n'importe quel autre jeûne, à part ceux dont on a parlé auparavant, ce n'est pas obligatoire de suivre les jours de jeûne. C'est recommandé. Pourquoi c'est recommandé? Parce que vaut mieux se dépêcher à faire le bien. Plus vite on le fait, plus on a de récompenses, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ. Dépêchez-vous de faire les bonnes actions. Et là, si on les fait suivre parce qu'on veut se dépêcher de les faire, c'est une bonne chose. وَإِلَّا لَا يَلْزَمْ. كَذَلِكَ. Il faut savoir que les jeûnes surérogatoires, ça comble le manque qu'il y a dans les jeûnes obligatoires. De même, le fait de faire beaucoup de prières surérogatoires, avant les prières, après les prières, ou alors mutlaq al-nafila, quelle que soit la prière surérogatoire, elle va combler le manque qu'il y a dans les prières obligatoires. Kada al-kasiyam, le jeûne. Parmi les exemples de jeûnes surérogatoires qui comblent le manque qu'il y a dans les obligations, il y a le jeûne de Ashura, al-tasu'a ou al-ashura, dans le mois de Muharram. De même, le jour de Arafah, pour les gens qui ne sont pas au Hajj. Les gens qui sont au Hajj, ce n'est pas une sunnah pour eux de de jeûner le jour de Arafat. Mais les gens qui ne sont pas en Hajj le jour de Arafat, les nuits blanches de 13, 14 et 15 des mois lunaires, le lundi et le jeudi, de même que de beaucoup jeûner le mois de Muharram et le mois de Sha'ban, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. De même que celui qui fait les prières les jeûnes surérogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décommandé de jeûner le vendredi seul. De même que le samedi, de jeûner le samedi seul ou le vendredi seul, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas faire. Certaines sortes de jeûnes sont interdits en islam. Minha, le fait de jeûner les jours de l'Eid, c'est haram. Celui qui jeûne le jour de l'Eid, fahuwa athim, il a un péché auprès d'Allah. Que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Et pas comme les gens croient. Eid al-Fitr, les gens croient que c'est trois jours. Le jour de l'Eid et deux jours après ou alors trois jours après. Hada, là. Eid al-Fitr, c'est un seul jour. Le lendemain de Ramadan, le premier jour de Shawwal. C'est-à-dire le deuxième jour de Shawwal, on peut commencer les six jours de jeûne de Shawwal, bila ishkal, ça ne fait pas partie de Ayam al-Aid. Idan, Yom al-Aidain. Ou Ayam al-Tashriq. Ayam al-Tashriq, c'est quoi? C'est le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. C'est-à-dire, c'est les trois jours qui suivent Aïd al-Adha, le Aïd du sacrifice. Ces trois jours-là, c'est interdit de jeûner, illa. Sauf quelqu'un qui est au Hajj et qui n'a pas eu de quoi sacrifier une bête, alors il devra jeûner ces trois jours-là, en plus des sept jours quand il revient, pour combler ce manque, pour le fait qu'il n'a pas eu la capacité d'égorger une bête. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. نعم. لِمَاذَا, pourquoi c'est interdit de jeûner les trois jours de Tashriq? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces jours-là, a dit c'est les jours pour manger et pour boire. Donc l'islam a fait ces trois jours-là pour manger et pour boire et non pas pour jeûner. Maintenant, on va parler de certaines règles qui sont liées au jeûne pour les voyageurs. La première condition pour pouvoir rompre le jeûne dans le voyage, c'est que le voyage qu'on fait, c'est pour une obéissance, pour quelque chose de moubah, ou bien une obligation, ou bien quelque chose de recommandé, ou bien quelque chose de halal, moubah. Par contre, si quelqu'un fait un voyage pour faire le haram, celui-là, il n'aura ni le droit de rompre le jeûne, ni le droit de raccourcir sa prière. Car cette rursa, car cette facilité, elle est donnée, c'est une facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à ceux qui lui obéissent, non pas aux désobéissants. Celui qui, par exemple, d'un pays musulman, pendant le mois de Ramadan, il veut venir en Europe, pour pouvoir faire le haram et aller dans les endroits haram, celui-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne, même s'il est voyageur. Non. Il faut savoir que pour que le voyage aussi nous permette de rompre le jeûne, c'est pas n'importe quel endroit où on va. Par exemple, quelqu'un il va d'ici au Muro, c'est pas un voyage. Quelqu'un il part d'ici, par exemple, à Corbeil-Essonne, ce n'est pas un voyage. Il faut que ce soit considéré un voyage dans l'habitude des gens. Par exemple, c'est connu que si quelqu'un dit « je vais à Amiens », c'est un voyage. Il y a 100 et quelques kilomètres. Si quelqu'un dit « je vais à Auxerre », c'est un voyage. Si quelqu'un dit « je vais à Chartres », c'est un voyage. Voilà, qu'il s'il va dans les périphéries proches de Paris, tout ça c'est considéré, c'est pas considéré comme une distance reconnue comme un voyage. Non. De même, par exemple, quelqu'un a l'intention de voyager. On va donner un exemple simple. Quelqu'un va partir au bled pendant les jours de Ramadan. Et il sait que, par exemple, son avion est demain. Ou bien il prend la voiture, il y va en voiture. On va donner l'exemple de la voiture parce qu'après on va parler de l'avion. Il veut prendre la voiture demain pour descendre au pays. Ou bien dans le sud ou n'importe où. En voyage. Un voyage moubah, halal. Est-ce que dès qu'il se lève le matin, il a droit de manger? Par exemple, lui, à 10h, il prend la route. D'accord? Il va être voyageur. Et on a dit que le voyageur, il avait le droit de rompre le jeûne. Lui, il est chez lui à 9h. Est-ce qu'il a le droit de manger et de partir en voyage? La niya, c'est pas suffisant pour rompre le jeûne. Premièrement, parce qu'il peut avoir la niya de voyager et en fin de compte, il ne voyage pas. Et il n'aura pas jeûné ce jour-là, alors qu'il n'est plus voyageur. Deuxièmement, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, quand il partait en voyage, il ne raccourcissait pas la prière tant qu'il n'a pas quitté la ville et qu'il a laissé les constructions derrière lui. De même pour le jeûne. On n'a pas le droit de rompre le jeûne tant qu'on n'a pas laissé les constructions derrière, de la ville derrière nous et on a, ça y est, on est sur la route. Le prochain point, le voyageur, il a le droit de rompre le jeûne, que le voyage soit fatigant ou non. S'il est voyageur, il y a juz ou lahul fitr. Que ce soit, il soit par exemple climatisé, avec tout ce qu'il faut, il voyage sans fatigue, sans rien. Parce qu'Allah lui a donné cette permission. Celui qui est en voyage, il peut rattraper d'autres jours. Voilà qui ne sait quoi le mieux pour lui. Est-ce que le mieux pour lui c'est de jeûner ou est-ce que le mieux pour lui c'est de rompre le jeûne? Des sahaba en voyage, il y en a certains qui jeûnaient et d'autres qui ne jeûnaient pas. Et il n'y en a pas un qui reproche quelque chose à l'autre. Cette question-là, il y a un peu, ça dépend des cas. Parce qu'il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Il y a une personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était fatiguée et qui était en voyage et qui jeûnait. Laysa min al-birri as-sawmu fi safar. Il lui a dit, ça ne fait pas partie du bien de jeûner dans le voyage. Mais un autre est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, oh messager d'Allah, moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, je trouve la force de jeûner dans le voyage. Il lui a dit, si tu as la force, si ce n'est pas dur pour toi et tu as une bonne monture, jeûne. On regarde la difficulté. Si c'est un voyage dans lequel il a de la fatigue ou de la difficulté ou bien il sent de la fatigue, le mieux pour lui, il aura plus de ajr, plus de hasanat s'il rompt le jeûne et il rattrape plus tard. Mais si le voyage n'est ni fatigant ni difficile, le mieux pour lui c'est de jeûner ce jour-là. Kadhalika lil fa'ida, si quelqu'un a besoin de faire une injection, des médicaments par injection, que ce soit musculaire ou sanguine, si c'est juste des médicaments, il n'y a pas dedans de glucose ou de nourriture, ça ne rompt pas le jeûne. Si par contre c'est du glucose, ou bien ce qu'il donne par exemple le sérum là, quand on est à l'hôpital, ça, ça fait rompre le jeûne. Car c'est fima'na ta'am, car ça nourrit, ça renforce le corps. Donc hada, ça fait rompre le jeûne, il devra rattraper un autre jour, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Naam. La personne qui part en avion en voyage, lui il est dans l'avion et il voit le soleil se coucher complètement. Il mange, il rompt le jeûne. Après l'avion décolle, il revoit le soleil. Est-ce qu'il a quelque chose à faire? Son jeûne est valable. Car au moment où le soleil s'est couché à l'endroit où il était, il a obéi à Allah Ta'ala en rompant son jeûne. Après il a décollé le soleil, il a vu ça. La yu'athir fi siyami. Ça ne change rien de son jeûne et ça ne diminue rien à son jeûne. Une personne qui veut prendre l'avion, il va à l'aéroport. Si l'aéroport il n'est pas collé à la ville, c'est-à-dire que de sa ville jusqu'à l'aéroport, il y a un vide. Il y a un moment où il passe par un vide, c'est-à-dire par des champs, il n'y a plus de construction. Alors, il pourra commencer à rompre le jeûne à l'aéroport et diminuer la prière. Par contre, si l'aéroport est collé à l'agglomération, il est entouré par les villes et il va de ville en ville, en ville, en ville jusqu'à l'aéroport, la yajuzu lahu al-fitr hatta taqla' at-ta'ira. Il n'aura pas le droit de rompre jusqu'à que l'avion décolle. Non. En s'appuyant sur ce qu'on avait dit auparavant, qu'il ne commence pas à rompre le jeûne tant qu'il ne quitte pas les constructions de la ville. Non. La personne qui était en train de jeûner, et l'avion décolle en pleine journée, quand est-ce qu'il va rompre le jeûne? On donne un exemple, il est au-dessus de Bruxelles, en avion. Est-ce qu'il va rompre le jeûne aux horaires de Bruxelles? Ou est-ce qu'il va attendre que le soleil se couche dans le ciel? Quand il est dans le ciel, il voit le soleil se coucher, il rompt le jeûne. Et il ne suit pas les horaires de la ville qu'ils sont en train de survoler. Mais ce qu'il est obligatoire pour lui, c'est de suivre le soleil à l'endroit où il est. Ça nous enseigne quoi, Ikhwat al-Iman? Ça, c'est très important, cette mas'ala. Que les heures de la prière dans l'islam, elles ne sont pas liées à une tranche horaire, mais c'est lié au soleil. Qu'est-ce qu'il a dit à le prophète al-Sallam sur les horaires de prière? Il nous a enseigné à chaque moment comment on doit prier. Quand on voit le trait blanc à l'horizon, c'est le Fajr. Jusqu'à que le soleil se lève. Quand le soleil penche après son zénith, l'heure de gloire est entrée, quand l'ombre de la personne fait une fois sa taille plus la taille de l'ombre qu'il avait au moment du zénith, c'est l'heure de l'asr. Quand le soleil se couche complètement, c'est l'heure du maghrib. Quand à l'horizon les lueurs rouges disparaissent complètement, c'est l'heure de l'isha. C'est pour ça que vous voyez une grande différence dans les horaires de prière entre l'hiver et l'été. Par exemple, l'hiver, il y a combien de temps entre le dhuhr et l'asr? Il y a moins de 2 heures. En été, il y a combien de temps entre le dhuhr et l'asr? 4 heures. Kadhalik, en hiver, il y a une heure et quart entre maghrib et l'isha. Et de même, en été, il y a 2 heures et quart entre maghrib et l'isha. Car ça suit la course du soleil. Et il y a eu donc des tests qui ont été faits clairement par des gens de confiance. Puis c'est une fatwa de Kibar, l'ulama qui sont réunis dans l'assise de la Ligue Islamique Mondiale, qui a réuni la plupart des grands ulama du monde musulman, qui ont déterminé, alhamdulillah, des calculs à suivre pour que nos horaires elles soient justes par rapport à des tests réels. Et alhamdulillah, auparavant en France, tout le monde suivait ces calculs. C'est en 96 qu'ils ont commencé à changer les calculs. Et ceux qui font la prière ici depuis plus de 15 ans se rappellent très bien qu'en été on faisait la prière vers minuit et quart. Et on faisait le fajr à 3 heures. Et pour tous ceux qui veulent des détails sur cette question-là, sur notre site internet, il y a 2 fatwas. L'une de Cheikh Al-Athaymi et une autre de Majma Al-Fiqhi, où dedans il y a 3 fatwas. Ils ont fait en 1980 et quel, 87 et 2007, où ils ont confirmé la manière dont on doit suivre les méthodes de calcul. Et c'est confirmé que ça n'existe pas de dire qu'entre Maghrib et Isha il y a 1h30. Jamais, ni au temps du prophète alayhi salam, ni après, on peut dire qu'il y a un temps déterminé entre Maghrib et Isha. On a dit que l'heure de l'Isha elle rentre quoi? Quand les rougeurs du soleil elles disparaissent à l'horizon. Jazakumullah khair. Nasal Allah tabaraka wa ta'ala yubassirana fi din. Une dernière question et on va s'arrêter là inshallah. Si quelqu'un passe par une ville, il va rester 1, 2 jours, 3 jours. 4 jours, 5 jours, il n'a pas l'intention de rester dans cette ville pendant son voyage. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de jeûner ou non? Non. Tant qu'il n'a pas fait ni un tel iqama, quand il n'a pas l'intention de rester dans cet endroit-là, il est voyageur. Voilà, s'il a trouvé la force de jeûner, c'est mieux pour lui de jeûner. Et même s'il ne jeûne pas parce qu'il est voyageur, c'est pas il sort dehors, il mange devant les musulmans. Là, même si lui, il prend la permission de manger, il le fait en cachette. Pour pas que les gens pensent du mal de lui. Et ils croient qu'il est en train de manger les jours de Ramadan. Non. Wallahu ta'ala.